Deutéronome chapitre 16. Prends garde au moins que les épis mûrissent, et fais la Pâque à l'Éternel ton Dieu, car au moins que les épis mûrissent, l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de nuit hors d'Égypte. Et sacrifie la Pâque à l'Éternel, ton Dieu du gros et du menu bétail, au lieu que l'Éternel aura choisi pour y faire habiter son nom. Tu ne mangeras point avec elle de pain levé, tu mangeras avec elle pendant 7 jours des pains sans levain, pain d'affliction, parce que tu es sorti en hâte du pays d'Égypte, afin que tous les jours de ta vie, tu te souviennes du jour que tu es sorti du pays d'Égypte. Il ne se verra point de levain chez toi dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et on ne gardera rien de la chair du sacrifice, que tu auras fait le soir du premier jour, jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans tous les lieux de ta demeure que l'Éternel ton Dieu te donne, mais seulement au lieu que l'Éternel, ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom, c'est là que tu sacrifieras la Pâque au soir, sitôt que le soleil sera couché, précisément au temps que tu sortis d'Égypte. Et l'ayant fait cuire, tu la mangeras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi, et le matin tu t'en retourneras et t'en iras dans tes tentes. Pendant 6 jours tu mangeras des pains sans levain, et au 7e jour, qui est l'assemblée solennelle à l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucune œuvre. Tu te compteras 7 semaines, tu commenceras à compter ces 7 semaines, depuis que tu auras commencé à mettre la faucille en la moisson. Puis tu feras la fête solennelle des semaines à l'Éternel ton Dieu, en présentant l'offrande volontaire de ta main, laquelle tu donneras, selon que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Et tu te réjouiras en la présence de l'Éternel ton Dieu, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le Lévite qui est dans tes portes, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui sont parmi toi, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et tu prendras garde à observer ces statuts. Tu feras la fête solennelle des tabernacles pendant 7 jours, après que tu auras recueilli les revenus, de ton aire et de ta cuve. Et tu te réjouiras en ta fête solennelle, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin, et la veuve qui sont dans tes portes. Tu célébreras pendant 7 jours, la fête solennelle à l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel aura choisi, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni dans toute ta récolte, et dans tout l'ouvrage de tes mains, et tu seras dans la joie. 3 fois l'an tout mâle d'entre vous se présentera devant l'Éternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, savoir à la fête solennelle des pains sans levain, et à la fête solennelle des semaines, et à la fête solennelle des tabernacles. Mais nul ne se présentera devant la face de l'Éternel avide, mais chacun donnera à proportion de ce qu'il aura, selon la bénédiction de l'Éternel ton Dieu, laquelle il t'aura donnée. Tu t'établiras des juges et des prévôts dans toutes tes villes, lesquels l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, afin qu'ils jugent le peuple par un jugement droit. Tu ne te détourneras point de la justice, et tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. Tu ne prendras aucun présent, car le présent aveugle les yeux des sages, et corrompt les paroles des justes. Tu suivras exactement la justice, afin que tu vives, et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne planteras point de bocage, de quelque arbre que ce soit, auprès de l'autel de l'Éternel ton Dieu, lequel tu te seras fait. Tu ne te dresseras point non plus de statue, l'Éternel ton Dieu est chaud.